الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc بإذن الله ce soir on continue le commentaire du poème de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, l'Amiyah. Et donc nous en sommes arrivés au troisième vers. Et ce troisième vers, ce sera donc l'objet de l'assise de ce soir. Donc on va commencer comme d'habitude par citer le vers. Et bismillah, il est à apprendre pour ceux et celles qui en ont la capacité. Donc le vers de ce soir, c'est حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل. Donc, on pourrait traduire le vers suivant. Donc, donc, l'amour envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mon dogme et ma voix, et la voix que je suis en matière de dogme. وَمَوَدَّتُ الْقُرْبَ بِهَا أَتَوَسَّلُ. Et l'amour envers ses proches, c'est-à-dire envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une chose par l'intermédiaire de laquelle je me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà comment on pourrait traduire soir. Donc حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل. Donc je répète la traduction en français. L'amour envers tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la voie que je suis en matière de dogme. Et l'amour envers les proches parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose par l'intermédiaire de laquelle je me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça le vers de ce soir. Et ce vers est un point très important parmi les fondements du dogme des gens de la sunna et du consensus. D'ailleurs, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son autre livre de Aqidah, puisque ce poème, on peut aussi l'appeler Manzumatu Aqidati Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et parmi les autres Aqaïd qu'il a écrit, comme par exemple l'Aqidatul Wasatiyyah, il nous dit quoi dedans? Dans un des derniers chapitres, il nous dit: Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. دونك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il nous dit dans l'aqida al-wasitiyya: et parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe, le fait que leur cœur et leur langue, le fait que leur cœur et leur langue soient purs, soient saints envers les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah azza wa jal les a décrits dans sa parole le très haut, donc le sens de la parole en langue française. Et ceux qui sont venus après eux disent: ô notre Seigneur, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas de choses dans notre cœur envers ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes un Raouf et un Rahim. Ça c'est Surat al-Hashr. Surat al-Hashr, donc c'est la Surat numéro 59. Numéro 59, verset 10. Et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole: n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui possède son âme dans ses mains, si l'un d'entre vous venait à donner en aumône l'équivalent de Uhud en or, il n'atteindrait même pas le Mud. Donc le Mud, c'est ce que peut contenir quand on met ses deux mains, quand on joint ses deux mains. C'est tout ce que peuvent contenir nos deux mains quand on les joint. Car l'un d'entre vous ne pourrait pas atteindre l'équivalent. L'un d'entre vous, en donnant l'aumône de Uhud en or, il ne pourrait pas atteindre l'équivalent d'un Mud, ou bien de la moitié d'un Mud de l'un d'entre eux. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, concernant ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, ce qu'on appelle donc un hadith muttafaqun alayh. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, concernant ce hadith-là, dans son livre Manhaj Sunnah, donc Manhaj Sunnah, qui est une réfutation envers Al-Rawafid et Al-Qadariyya, dans Manhaj Sunnah, il dit à propos de ce hadith que ce qui est connu dans l'histoire, c'est que Sahaba radiallahu anhum, il n'y a personne qui a. Ce qui est connu dans toute l'histoire, c'est que personne n'a jamais donné une aumône équivalente à la montagne de Uhud. C'est jamais arrivé que quelqu'un donne l'équivalent de la montagne de Uhud. Donc imaginez quelqu'un qui donne l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ça n'équivaut même pas à la moitié de deux mains remplies en aumône. L'équivalent de deux mains remplies d'un des compagnons, radiallahu anhum, ou bien la moitié, si quelqu'un parmi nous offrait pour Allah Azza wa Jal l'équivalent de la montagne d'Uhud, ça n'aurait pas cette valeur, la valeur de la moitié d'un Mud offert par un des compagnons radiallahu anhum. Donc, parmi les fondements des gens de la sunna, il y a le fait d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir notre cœur et notre langue propre à leur égard, notre langue propre, pure à l'égard, notre cœur et notre langue propre et pure à leur égard. Et ça, c'est un point fondamental qui va se trouver dans tous les livres, de salaf, tous les livres de dogme écrits par les salaf. Vous allez avoir un chapitre Hubbu al-Sahaba, le fait d'aimer les compagnon. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il inclut ce point-là. Et donc, il a commencé par ce point-là, puisque les deux vers précédents, c'était une introduction. Et là, maintenant qu'il rentre dans le vif du sujet de sa aqidah, de son mu'taqad, il commence directement en nous disant Hubbu sahabati kulluhum li madhhabun. Donc, déjà de là, il sait wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Donc, déjà là, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il s'innocente de deux manahij. Il s'innocente de deux voies, de deux mazahib. Il s'innocente de deux voies dans le dogme qui ne réunissent pas l'amour pour les compagnons, ni l'amour pour la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que vous pouvez me citer qui sont-ils? Est-ce que quelqu'un peut citer donc les deux manahij desquels Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il s'innocente? Rawafid, donc ici nous sommes de Rawafid, donc en français les chiites. Et Naam, An-Nawasib. Ici nous sommes donc de deux groupes, Al-Rawafid et An-Nawasib. Parce que Al-Rawafid, ils détestent les grands compagnons. Et les plus extrêmes parmi eux les ont rendus mécréants. Tandis qu'ils disent qu'ils aiment Ahlul Bayt. Donc, Al-Rawafid, ils détestent les compagnons, mais ils aiment, selon leurs prétentions, Ahlul Bayt. Donc, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Nawasib, eux, c'est le contraire. Ils détestent Ahlul Bayt. Il déteste les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, juste avec ce vers-là, déjà, il s'est innocenté de deux manahij. Il s'est innocenté de deux voies dogmatiques, celle de Rawafid et celle de Nawasib. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qu'on a vu, donc, qui était cité dans l'Ouassataya, il nous a dit, La tasubbu ashabi. Il nous a ordonné de ne pas insulter ses compagnons. Et même plus, Allah Azzawajal, dans le Coran, il nous a appelé à demander pardon pour eux. Allah Azzawajal, il nous a ordonné de demander pardon pour eux. Ainsi, dans le Sharh Sunna de l'imam Lalakai et aussi. Et Ibn Kathir il le rapporte dans son tafsir. Il rapporte que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a interdit aussi d'insulter les compagnons. Il a interdit d'insulter les compagnons. Le texte en arabe. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أمر أن attendez, je vais chercher parce que j'ai un trou de mémoire au niveau. Regardez dans le Sunan al-Nasa'i. Donc, Abdullah ibn Abbas. Donc, Abdullah ibn Abbas, il a dit, là, t'as sûr, voilà, j'ai retrouvé le texte. Donc Abdullah ibn Abbas a dit, لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. Donc Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه il a dit, n'insultez pas les compagnons de Muhammad صلى الله عليه وسلم car certes Allah عز وجل a ordonné de demander pardon pour eux et il savait et Allah عز وجل savait qu'ils allaient s'entretuer. Donc, par rapport aux fitnes qu'il y avoir entre eux. Et nous, la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est de nous taire. C'est de nous taire concernant ce qui a pu se passer entre Sahaba radiallahu anhu. D'ailleurs, dans Sunan al-Lalakai, dans Sharh Usul al-I'tiqad, Ahl Sunna wal Jama'a de l'imam al-Lalakai, il y a, comme dans tous les livres de Aqidah écrits par les salafs, il y a le chapitre sur le fait de les aimer. Donc le chapitre s'intitule ainsi: Ma rouya an nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hath ala hubbi sahabati wa nashri dhikri mahasinihim wa at-tarahhum alayhim wa al-istighfar lahum wa al-kuffu an masawihim masawihim. Donc l'imam al-Lalikahi l'a donné comme titre de chapitre ce qui a été rapporté concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'encouragement à aimer les compagnons et le fait de propager la mention de leur mérite et le fait de demander la miséricorde pour eux et le fait de demander pardon pour eux et le fait de retenir sa langue sur et le fait de retenir sa langue concernant leurs défauts. Et donc ensuite il cite plusieurs textes, l'imam Lalikaï, donc parmi eux ce qui est authentique et parmi eux ce qui est faible. Donc par exemple il cite le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle de l'ansar, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghuduhum illa munafiq. Donc concernant l'ansar, c'est un hadith qui est rapporté chez le Bukhari dans Kitab al-Iman par exemple. Il dit, ne les aime qu'un croyant et ne les déteste qu'un hypocrite en ce qui concerne Al-Ansar. Donc il dit, ne les aime qu'un croyant et ne les déteste qu'un hypocrite. Après, bien sûr, dans les autres textes qui sont rapportés dans Sunan al-Lalikai ou dans Usul, Sharh Usul al-I'tiqad, Ahl al-Sunnah wal Jama'a l'imam al-Lalikai ou bien d'autres parmi les livres de Salaf qui compile la Aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Dans ce chapitre-là, vous allez trouver de nombreux hadiths qui sont faibles. On va pas les mentionner, mais je vais en mentionner à titre d'exemple. Et alhamdoulillah, ala kulli hal, aujourd'hui, la totalité de ce genre d'ouvrages qui nous sont parvenus, ils sont, bifadlillah, tous avec une correction, un tahqiq, en ce qui concerne les textes qui sont dedans. En général, tous les textes qui sont dedans, il y a des savants spécialistes dans la science du hadith qui ont fait le travail pour nous de distinguer le faible de l'authentique. Donc, à titre d'exemple, parmi les textes faibles qui sont rapportés, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم donc ici bien sûr le prophète صلى الله عليه وسلم on ne peut pas lui attribuer cette parole là لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. Donc il y a cette parole qui est attribuée au prophète صلى الله عليه وسلم qui l'aurait dit, ne se réunit pas l'amour de ces quatre-là sauf dans le cœur d'un croyant, l'amour pour Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Ali. Et ensuite, donc, il y a encore beaucoup de textes, c'est pas la peine de les citer dans la mesure où ils sont faibles. Et à la kulli hal, le texte qu'on a cité tout à l'heure, la tasubbu ashabi, plus le texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, a dit que parmi les signes de la foi, il y a le fait d'aimer les ansars, et parmi les signes de l'hypocrisie, le fait de les détester, plus la parole de Abdullah ibn Abbas qui a interdit d'insulter les compagnons, car Allah Azza wa Jal nous a ordonné de demander pardon pour eux. De même, ce texte-là qu'on a cité tout à l'heure d'Abdullah ibn Abbas, une version similaire rapportée d'après Aïcha radiallahu anha. Une version similaire qui est rapportée selon Aïcha radiallahu anha, et elle se trouve chez Ibn Hibban. elle se trouve chez Ibn Hibban. Elle est authentique. Elle est authentique. Maintenant, après avoir vu donc ces textes-là, que ce soit des textes du Coran ou des textes de la Sunna nous ordonnant donc d'aimer les compagnons, parce que si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait cité une règle. On avait cité une règle qui est importante. Donc là, on va donner un exemple pour sa mise en pratique. La règle qu'on avait donnée, c'est en premier lieu, al-istidlal, en premier lieu, l'argumentation tirée des textes du Coran et de la Sunna, et suite à cette argumentation, on croit. On avait dit, istadil, thumma a'taqid. La règle qu'on avait donnée la semaine dernière, c'est istadil, thumma a'taqid. L'istidlal, donc le fait de prendre les arguments du Coran et de la Sunna en premier lieu, et ensuite, une fois qu'on a cela, ensuite alors, on prend cela comme dogme. Donc ici, on a vu le verset qu'on a cité dans Sourate Al-Hashr, on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve chez Bukhari et Muslim qui nous interdit d'insulter les compagnons radiallahu anhum, on a vu le texte que parmi les signes de la foi, et c'est l'amour pour les Ansar, et parmi les signes de l'hypocrisie, le fait de ne pas les aimer, le fait de les détester. De même, on a vu que Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma et Aïcha radiallahu anha ont interdit également d'insulter les compagnons, et car Allah Azzawajal nous a ordonné de demander pardon pour eux. Donc maintenant qu'on a vu ces arguments-là, on ne peut qu'avoir pour dogme حب الصحابة كلهم. Alors vous voyez comment on procède, comment Ahl-Sunnati wal-Jama'a procède. Ahl-Sunnati wal-Jama'a procède ainsi. On a les textes, et une fois que les textes sont en notre possession, on les prend comme dogme, on les prend comme manhaj, on les prend comme madhhab. Donc, ça c'est en ce qui concerne Hubb al-Sahaba radiallahu anhum. Maintenant, qu'en est-il de celui qui les insulte? Qu'en est-il de celui qui insulte les compagnons radiallahu anhum? Quel est le jugement donc de celui qui les insulte? Donc, pour résumer, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre Sarim al-Masloul, donc Sarim al-Masloul, ala shatim al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, donc le sabre dégainé envers l'insulteur du messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il avait écrit en prison. Parce que pourquoi il avait été emprisonné? Parce qu'il y avait un juif qui avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Cheikh l'Islam, il l'avait frappé. Et après, quand il a été emprisonné pour ça, il a écrit ce livre-là pour démontrer le hukm shar'i, le statut légal concernant le fait d'insulter le messager sallallahu alayhi wa sallam selon le Coran et selon la Sunna. Et dans ce livre-là, il a détaillé à plus que ça. Il a aussi parlé de celui qui insulte Allah Azzawajal, celui qui insulte les compagnons, radiallahu anhum, celui qui insulte les femmes, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et ce livre-là, il est très important dans la mesure où nos savants, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts et qu'il préserve ceux qui sont vivants et qu'il maintienne sur la vérité ceux qui sont emprisonnés et qu'il les libère. Dans le sujet de ce qu'on appelle Masail al-Iman wa al-Kufr, les sujets de la foi et de la mécréance, nos savants, ils nous disent que les livres fondamentaux dans ce sujet, c'est-à-dire les livres que l'étudiant doit avoir étudiés et maîtrisés pour être apte à parler dans ce domaine-là, dans le domaine de مسائل الإيمان والكفر. Il y a ce livre-là, Sarim al-Maslul, ala Shatim al-Rasul, de Ibn Taymiyyah, plus le volume 7 de Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, parce que le volume 7 de Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, il comporte ce qu'on appelle le livre de ce qui s'appelle l'Iman, l'Iman al-Awsat, ce qu'on appelle aussi Kitab al-Iman, les deux livres qu'il a écrits qui sont sortis par les deux, ils sont sortis en petites rasaïl séparées, donc l'Iman al-Awsat et les deux livres, plus la fin, ce sont des questions-réponses, des questions donc, qui ont été envoyées à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah auxquelles il a répondu, qui sont inclus. Ils insistent bien là-dessus, sur le volume 7 de Majmou' al-Fatawa, que le fait d'acheter les deux rasaïl, Kitab de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, si tu achètes juste les deux épîtres séparément, il lui manquera toute une partie qui est les questions-réponses. Donc, Sarim al-Maslul de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, les deux livres-là de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, plus un troisième livre. Bon, en fait, c'est pas ce livre-là en entier, mais c'est juste le dernier chapitre de ce livre, qui est Al-Shifa, Shifa d'Al-Qadi Iyad, Al-Qadi Iyad Al-Malik, le grand imam malikite, Al-Qadi Iyad. Et la personne qui va lire le livre qui est écrit dans Masail Iman wal-Kufr, qui sont venus après Al-Qadi Iyad, tous se sont inspirés de son livre, parce qu'il est, il est un des premiers à avoir, ou même le premier à avoir détaillé les choses qu'il a détaillées de cette façon-là. Donc, de manière générale, ce sont ces livres-là que nos savants nous conseillent. Par exemple, Cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi, Fakallahu Asra, par rapport au sujet de en fait, quand il a été questionné au sujet de certaines personnes donc, qui parlaient pas forcément avec science des sujets relatifs au textile, etc., il a dit les personnes qui sont habilitées à parler de l'Iman ou al-Kufr, de rentrer dans ces sujets-là, etc., sont les personnes qui ont étudié au moins ces trois livres. Ce sont les personnes qui doivent avoir étudié ces trois livres-là. Et Cheikh Abdel Qadir ibn Abdel Aziz, Fakallahu Asrah, wa Ahsana Halah. Cheikh Abdel Qadir ibn Abdel Aziz, lui, dans son livre Al-Jami' fi Talib al-Ilm al-Sharif, quand il cite quels sont les livres fondamentaux, ou bien les livres de référence, les livres primordiaux en ce qui concerne Masail al-Iman wa al-Kufr, il a cité les trois livres là, plus il a rajouté un livre de Ibn Hazm. Donc il a ajouté un livre de Ibn Hazm qui s'intitule Al-Fisal fil Milal wa al-Nihal. Donc ce livre là d'Ibn Hazm, mais juste le chapitre qui est donc sur le sujet, parce que ça parle pas que de ça. Donc lui, à la différence de Cheikh Abu Mohammed Maqdisi, il a rajouté ce livre là donc Al-Fisal. Al-Fisal, donc le titre complet c'est Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wal Nihal. Donc et tous ces livres là alhamdoulillah, ils sont disponibles, que ce soit dans les librairies islamiques en France ou en livres scannés sur Internet. Ce sont des livres qui sont accessibles donc pour les personnes qui veulent les lire ou les feuilleter. Donc, pour revenir à Hukm, au statut de celui qui insulte les compagnons, comme on n'a pas le temps de ce qui aurait été en entier dans Sarim al-Maslul, mais ça nous prendrait beaucoup de temps. On va aller directement à la fin après son développement, puisqu'il développe donc le chapitre qui s'intitule Fasl Hukm Man Sabba Sahabati ou Ahadihim, Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il fait 15 pages. Il fait 15 pages, donc ça nous prendrait du temps de les lire. Mais, cher l'islam, après ces 15 pages-là, il nous a résumé. Il nous a résumé, il nous a résumé ce qu'il a écrit, ce qu'il a développé. Il nous dit, donc on traduit directement, et de manière globale, en ce qui concerne les différentes catégories d'instructeurs, des compagnons, il y a ceux au sujet desquels il n'y a aucun doute en ce qui concerne sa mécréance, et parmi eux, il y a celui dont on ne statue pas de sa mécréance, et il y a parmi eux ceux au sujet desquels on doute de leur mécréance. C'est-à-dire, au sujet de leur mécréance, il y a un doute, il y a une divergence. Est-ce qu'on les rend mécréants ou pas? Donc, c'est ça le résumé des différents avis qu'il y a. Il y a une catégorie de personnes au sujet desquelles il n'y a vraiment aucun doute en ce qui concerne leur mécréance parmi ceux qui ont insulté les compagnons. Il y a ceux dont on ne statue pas de leur mécréance, ils ne sont pas mécréants. Et parmi eux, il y a ceux au sujet desquels les savants ont divergé en ce qui concerne leur mécréance. Ensuite, comme on a abordé tout à l'heure le sujet de Rawafid, au sujet de Rawafid, comme vous savez, il y a un groupe parmi eux qui ont donné des attributs divins à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et donc, c'est cela leur sujet. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, donc quelques lignes avant son résumé, il nous dit, donc sa parole en français, la traduction donc de ces deux lignes en français, il dit, et quant à celui qui a ajouté en plus de l'insulte envers les compagnons, la prétention que Ali est une divinité, ou alors qu'il a dit, qu'il a prétendu qu'il est un prophète, et que certes, Jibra'il, il s'est trompé en ce qui concerne le message, c'est-à-dire qu'il s'est trompé, wal'iyadhu billah, qu'il prétend qu'il s'est trompé, wal'iyadhu billah, en délivrant le message à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au lieu de donner à Ali, alors celui-là, il dit quoi? Fahada la shakka fi kufrihi. Celui-là, il n'y a aucun doute en ce qui concerne sa mécréance. Bel la shakka fi kufr man tawaqqa fi takfirihi. Il dit, et même plus encore, il n'y a aucun doute en ce qui concerne la mécréance de celui qui s'abstient de faire son takfir. Donc ça, c'est encore une catégorie bien spécifique. Donc voilà pour résumer ce qui peut y avoir comme à quoi on pourrait résumer le statut légal de celui qui insulte les compagnons, radiallahu anhum. Donc ensuite, Cheikh l'Islam, il continue en nous disant وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ. Et donc l'amour envers ses proches parents, par son intermédiaire, je me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est aussi un point fondamental chez les gens de la Sunna, qui est qu'ils aiment aussi Ahlul Bayt. Ils aiment Ahlul Bayt, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wassala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on dit, wassala, j'ai un trou en français, il nous a recommandé, il nous a recommandé, il nous a fait des recommandations, et il nous a enjoint envers sa famille, envers les gens de sa famille. Il y a un hadith sahih qui se trouve chez l'imam Muslim. Il nous a dit, Uzakkirukumullaha fi ahli bayti. Uzakkirukumullaha fi ahli bayti. Donc, je vous rappelle Allah en ce qui concerne les gens de ma maison. C'est-à-dire, je vous recommande de faire attention à eux. Et donc, Ahl al-Bayt, c'est qui Ahl al-Bayt? qui sont Ahlul Bayt. Donc, en ce qui concerne Ahlul Bayt, les gens ont, les savants ont divergé en ce qui concerne leur définition. Donc, les différentes paroles sont les suivantes. Il y a ceux qui ont dit, ce sont ceux au sujet desquels la sadaqa leur est interdite, ceux qui leur est interdit l'aumône, donc c'est-à-dire Banu Hashim et Banu al-Muttalib, et ça c'est la parole de l'imam Shafi'i, et c'est une des versions de l'imam Ahmed, et d'autres on dit c'est juste Banu Hashim, et ça c'est le madhhab de l'imam Abi Hanifa, et c'est une autre version de l'imam Ahmed, et c'est un des madhhabs, c'est une des donc c'est un des choix chez le Malikiya, plus précisément c'est le choix de l'imam Ibn al-Qasim. Et après on a un autre avis en ce qui concerne la définition de Ahl al-Bayt. L'autre définition qu'on a en ce qui concerne Ahlul Bayt, c'est que ce sont ses enfants et ses femmes de manière précise, de manière spécifique. Et ça, c'est ce que a rapporté l'imam Ibn Abdelbar. L'imam Ibn Abdelbar al-Maliki dans son livre At-Tamhid. At-Tamhid, qui est donc un de ses commentaires sur le Muwatta de l'imam Malik, parce que l'imam Ibn Abdelbar il a deux commentaires sur le Muwatta, il a le Tamhid et il a l'Istidkar. Et donc dedans il nous explique que ses femmes et ses enfants. Ensuite on a un troisième avis, c'est que l'Ahl ou bien Al-Muhammad, c'est ceux qui le suivent, c'est ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. آل محمد من هم من تبعوه إلى يوم القيامة أو أتباعه إلى يوم القيامة. Donc ceux qui le suivent jusqu'à يوم القيامة. Et ça c'est l'avis de certains parmi أهل العلم. Par exemple, ça a été rapporté par Soufiane Thaouri, l'imam al-Bayhaqi et d'autres. Et ensuite, il y a encore un quatrième avis. Il y a encore un quatrième avis, c'est que Al Ubaytihi, c'est Al-Adqiya Faqat min hadhihi al-umma. C'est seulement les pieux de cette communauté. Et ça, parmi ceux qui ont eu cet avis, il y a Al-Qadi Hussein. Al-Qadi Hussein. Et donc c'est les quatre avis qui existent. Mais et la parole la plus authentique, c'est celle qui englobe le premier avis et le deuxième avis. C'est-à-dire que Ahlu Bayti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux pour qui la sadaqa, elle est interdite, ainsi que ce sont ces femmes. Ces femmes et donc sa descendance. Donc voilà en ce qui concerne, donc, qui sont les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les aimés, c'est parmi les fondements de Ahli Sunnati wal Jama'a, comme on l'a vu dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Udhakkirukumullaha fi Ahli Bayti. Donc à partir de différents versets et athar et hadith qu'on a pu citer ce soir, parmi les fondements des gens de la Sunna, l'amour des compagnons radiallahu anhum et l'amour pour les gens de sa maison. Donc voilà, on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc barakallahu fikum, et inshallah la semaine prochaine. Et comme un frère l'avait demandé avant le cours, avait demandé des doigts pour les frères en Somalie, Inch'Allah va conclure sur une doa pour nos frères en Somalie et même pour nos frères qui combattent pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute fi kulli mahan. Allahumma ansur ikhwanina fi Somal وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. Donc je vous dis à la semaine prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.